إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, inshallah, on continue l'explication du livre en langue française intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna lil'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Le dernier cours, parmi les exemples que le Shir a donné pour réfuter ce dont ont avancé les gens de l'altération à propos des gens de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, des gens de la Sunnah du consensus, dans ce qui est de l'interprétation des versets du Coran, et donc les réfutations qu'il a fait le Shir à travers plusieurs exemples, et parmi ces exemples qu'il a donné, ce qui est propre à la compagnie d'Allah, ce qu'on appelle Al-Ma'iyya. Et donc le terme, bien entendu, Al-Ma'iyya, Al-Ma'iyyatu, qui vient du terme Ma'a, qui vient donc du terme Ma'a, et que l'on traduit avec. Que l'on traduit donc avec. Donc ici, Al-Ma'iyya, c'est la compagnie. Le Shir donc, après nous avoir expliqué quelle était la croyance des gens de la Sunna du consensus à propos de la compagnie d'Allah Azzawajal qui est citée dans le Coran et dans la Sunna, et que les gens de la Sunna ont en réalité pris ce qu'indiquait Al-Ma'iyya en apparence, et que cette Ma'iyya, bien entendu, elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Taliqu billahi jalla wa ala. Et le Shir avait donc entamé une réfutation qui était à propos de cette parole qui est la suivante. Tafsir al-Ma'iyya, donc l'explication, et donner le sens de la compagnie d'Allah azawajal, la compagnie d'Allah azawajal bien entendu avec ses créatures, implique Al-Hulul wal-Ikhtilat, c'est-à-dire donc qu'Allah Azzawajal est avec ses créatures dans leur place où ils se trouvent et qu'il est mélangé à eux. Que cette parole-là, donc la réfutation de cette parole-là, est bien entendu fausse, et ceci de plusieurs aspects. Le premier aspect, le Shir nous avait dit de plusieurs points. Le premier point, que cela était en contradiction avec Ijma' al-Salaf, le consensus des prédécesseurs. Également, pour ce qui est du deuxième point, que cela va à l'encontre de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh nous avait dit, par rapport à cela, que cette élévation, elle était prouvée par le livre d'Allah azawajal, par la sunna, par la raison, par la sainte nature, la saine nature, et par le Ijma' al-Salaf. Et le Shir un peu plus loin, il va nous citer ces preuves-là en détail. On va passer quelques pages et revenir donc à ces preuves. Donc il nous a dit le Shir, pour ce qui est du livre, les preuves du livre, car il est important de connaître donc les preuves en détail de Al-Ulu, et on va voir qu'elles sont nombreuses, elles sont différentes. Dans un premier temps, bien entendu, Bil-Kitab yu-as-Sunna, qu'elles soient prises donc du livre d'Allah Azzawajal et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du Kitab, il nous dit le Shir, أما الكتاب فقد تنوعت دلالتها على ذلك على ذلك فتارة باللفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. Donc ici on voit que les indications nous prouvant qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de nous, au-dessus de toutes ses créatures subhanahu wa ta'ala, elles sont nombreuses, elles sont diversifiées, et il nous dit par moments elles sont bil-lafdh al-ulu, donc ça c'est le premier, bil-lafdh al-ulu, c'est-à-dire en reprenant le terme al-ulu qui veut dire l'élévation, ou alors ce qui va, ou ce qui est pris du terme al-ulu. Le deuxième, al-fawqiyya, le fait qu'Allah azzawajal soit au-dessus de nous. Al-fawqiyya. Également al-istiwa, al-arsh, qu'Allah azzawajal s'est établi sur son trône, c'est la troisième. Et ensuite la quatrième, wa kawni fi sama. Et donc la troisième, qu'Allah azzawajal se trouve dans les cieux, bien entendu, marna dans les cieux, au-dessus des cieux. Et va nous citer donc des versets, qu'Allah ta'ala, wa huwa al-aliyyul azim, wa huwa al-aliyyul azim. Donc ici, le nom d'Allah azzawajal, al-ali, al-aliyyu. Et bien entendu, on prend de ce nom, et on extrait donc de ce nom, l'attribut, et l'attribut de ce nom, al-ali, al-aliyyu, qui est bien entendu al-ulu. L'élévation d'Allah Azzawajal. Il est le très haut, le très grand. Pour ce qui est de l'Fawqiyya, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Donc ici c'est al-Fawqiyya. On voit bien le terme ici fawq, fawqa ibadihi, wa huwa al-qahiru. Et donc, il est le dominateur sur ses serviteurs. Fawqa ibadi, au-dessus de ses serviteurs. Donc ici, sur ses serviteurs, au-dessus de ses serviteurs, par le terme fawq. Donc ça, c'est al-fawqiyya. Également, al-istiwa wa al-arsh, comme dans le verset ar-Rahman wa al-arsh istawa. Ça, c'est pour le troisième. Et pour ce qui est du quatrième, a'amintum fissama'i an yakhsifa bikum al-ard. Donc le quatrième verset, et qui nous prouve ici, qu'Allah Azzawajal est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Fi bimana, au-dessus des cieux, et qui est en rapport ici avec, comme nous dit le shir, wa kawnuhu fi sama, le fait qu'Allah Azzawajal donc soit dans les cieux, prouve également son élévation, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici quatre catégories de preuves que l'on trouve dans le Qur'an et qui nous indique donc ulu Allah Azzawajal. L'élévation d'Allah Azzawajal. Même pour le dernier verset, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre. Ensuite, il nous dit وَتَارَةً بِاللَّغْضِ السُّعُودِ بِاللَّغْضِ السُّعُودِ الْأَشَارِ وَعُرُوجِهَا وَرَفْعِهَا إِلَيْهِ. Donc, également, encore une autre catégorie ici, et que l'on retrouve lorsqu'Allah Azzawajal nous parle dans son Coran que les choses remontent à lui. Que les choses remontent à lui. Qui ou qu'il les remonte à lui, subhanahu wa ta'ala. Que lui les remonte à lui, subhanahu wa ta'ala. Et les exemples qu'il nous a donné le shir ici, ilayhi yas'adu al-kalima al-tayyib. Ilayhi yas'adu al-kalima al-tayyib. Donc, vers lui monte la bonne parole. Ilayhi yas'adu al-kalima al-tayyib. Donc également ici, wajud dalala, wajud dalala. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que la bonne parole monte à lui. Donc si elle monte à lui, c'est qu'il est au-dessus. Et donc ici, dalil al-ulu. Également dans ce verset, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi. De même ici, le fait que les anges, que ar-ruh, Jibril alayhi salam monte vers lui. Donc ici le terme ta'ruju qui est le verbe, donc al-uruj, ça nous prouve également qu'Allah azawajal est au-dessus de lui. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Ça c'est pour al-uruj, le terme al-uruj. Et ici ensuite al-raf'a. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Donc par rapport à ce verset, ici on retrouve le terme wa rafi'uka ilayya. Donc Allah Azzawajal a fait monter auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, il qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Rappelle-toi quand Allah dit au Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. T'élever vers moi, ilayya. Donc on voit ici le terme wa rafi'uka ilayya. Ça prouve également ici l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit le shir wa taratan bil lafdhi nuzul al ashya minhu wa nahwu dhalik ka qawli ta'ala. Donc ici dans le sens opposé, au contraire, lorsque les choses descendent de lui subhanahu wa ta'ala, Donc nuzul al-ashya, ce qui prouve qu'Allah est également au-dessus de nous. Et al-ulu, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le qawlihi ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Et la parole d'Allah également, yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Donc pour le premier verset, dit c'est le Saint-Esprit, donc l'ange ici Jibril, qui l'a fait descendre de la part de son Seigneur. Donc il a fait descendre de la part de ton Seigneur. Qui a fait descendre donc de la part de ton Seigneur. Qui a fait descendre ce livre de la part de ton Seigneur. Donc ici la descente. Et le fait qu'Allah Azzawajal fait descendre également le livre. Donc c'est bien une preuve qu'Allah est au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Vu que le livre il descend par rapport à nous. Et également le deuxième verset. Du ciel à la terre, il administre l'affaire. Yudabbirul amra min as-sama, donc min, à partir des cieux, jusqu'à la terre. Donc ça prouve également ici la direction, ça prouve ici également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Donc regardez toutes les preuves du Coran et comme elles sont diversifiées, nous prouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus donc de ses cieux. Et que cela donc va au contraire, totalement au contraire de dire qu'Allah azzawajal est avec nous. Sur la terre, mélangé à nous, sur la terre. Ça, c'est pour le Coran. Vous avez dit le cher élément sunnah. Ou amma sunnah, faqad dallat alayhi bi anwa'iha al-qawliya, wal-fi'liya, wal-iqrariya, fi ahadithin kathira, tablughu hadd al-tawatur, wala wujuhin mutanawi'a, ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi sujoudihi, subhana rabbil a'la. Le cher nous dit la sunnah de même. Et de manière diversifiée, elle nous a montré qu'Allah il est au-dessus des cieux. Que ce soit la sunna dite qawliya, donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fi'liya, les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'iqrariya, les attestations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a reconnu comme étant vrai, fi hadithin kathira, donc dans de nombreux hadiths, dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tablou hadd al-tawatur, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un niveau de ce qu'on appelle le tawatur, comme le Coran, c'est-à-dire qu'il nous est parvenu par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, par énormément de personnes. On avait déjà expliqué le terme tawatur, et de manière donc diversifiée. À titre d'exemple, ce qui rentre dans al-qawliya, ce qui rentre dans sunnat al-qawliya, qui est propre à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Ce que l'on dit, bien entendu, dans notre prière, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous disait, de par sa parole. Kama fi sahih Muslim. Donc, pureté à mon Seigneur, le Très-Haut, Al-A'la. Donc, on voit le terme Al-A'la, qui est plus qu'évident par rapport à ce qu'il veut dire ici. Al-Ulu, Al-A'la, le Très-Haut. وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عند فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي كما في صحيح البخاري ومسلم parce que le prophète صلى الله عليه وسلم de par sa parole on est toujours aussi fait le qawliya il nous enseigne qu'Allah عز وجل lorsqu'il a terminé la création il a écrit عنده près de lui et c'est où près de lui فوق عرشه au-dessus de son trône عنده فوق عرشه au-dessus de son trône. Donc on est bien ici avec le terme fouq ici, fouq arshi, au-dessus de son trône. Ça prouve également ulu Allah dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna rahmati sabaqat ghadabi, c'est-à-dire que ma miséricorde, ma clémence aura le dessus et devant sera ma colère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse clémence. Wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminun. وأنا أمين من في السماء وأنا أمين من في السماء bien entendu Allah في صحيح البخاري وصحيح مسلم que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء c'est à dire est-ce que vous ne me faites pas confiance alors que j'ai la confiance de celui qui est aux cieux que je suis considéré comme une personne de confiance auprès de celui qui est dans les cieux في السماء من في السماء et bien entendu qui est Allah Azzawajal et également même fils Sama Umarna au-dessus des cieux. Bien entendu ce hadith c'est par rapport Qissatul Khariji qui faisait partie des Khawarij qui avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire équité et de craindre Allah Azzawajal. Wa thabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'ala al-minbar 'ala al-minbar yawm al-jum'ah yaqul Allahumma aghithna. De même donc ici c'est al-sunnatul fi'aliyya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur le minbar, le jour du Jumu'ah, il a levé ses mains, rafa'a yaday, et il a dit une dua, Allahumma arifna, c'est-à-dire donc, abreuve-nous de par la descente de la pluie. Donc ici, ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il élève les mains, pourquoi il élève les mains? Bien entendu en direction du ciel. Ça prouve donc de par ce geste, ulou Allah, l'élévation d'Allah Azzawajal. De même, وَأَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسِ مَا عَرَفَ حِينَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafah, fi Hajjat al-Wada', donc le pèlerinage d'adieu, et lorsqu'il a fait la khutba, il a fait cette khutba devant les gens, et que les gens ont témoigné qu'il a transmis, qu'il a conseillé, alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé sa main au ciel, son doigt au ciel, en direction donc du ciel. Et il a dit, Allahumma shahid, oh mon Seigneur témoigne de ce qu'ils ont dit. Donc ici, on voit également que ce geste prouve, ulou Allah azawajal, wa hadha kama fi Abu Dawud et d'autres. Wa annahu qala lil-jariya, de même, kama fi Sahih Muslim, lorsqu'il est passé devant une captive, et il lui a dit, Aïn Allah, donc Aïn Allah, où est Allah Azzawajal? Et qu'elle lui a répondu, Fis Sama, il est dans les cieux, c'est-à-dire donc au-dessus des cieux. Fa qarraha wa qala li sayyidiha a'tiqaha fa inna mu'mina. Donc elle a répondu par cette réponse, et ici ça fait partie des sunan al-iqrariya, des sunan qui sont propres donc à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a attesté, il a reconnu comme étant vrai. Et donc il lui a dit à son maître, au maître de cette captive, lorsqu'elle a répondu de par cette parole qui prouve sa foi, lorsqu'elle a dit « Fis Sama », il a dit « Alors délibère-la, affranchis-la, car c'est une croyante. » Ça c'est pour la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est maintenant de « Al-Aql », car le shir également il nous avait dit que ces preuves-là, on les prend de notre propre raison. De la raison saine. Il nous dit, وَأَمَّا الْعَقْلُ فَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ صِفَةِ الْكَمَالِ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِ عَنِ النَّقْصِ وَالْعُلُو صِفَةُ كَمَالٍ وَالسُّفْلُ نَقْصٌ فَوَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى صِفَةُ الْعُلُو وَتَنْزِيهُهُ عَنِ ضِدِّهِ وَتَنْزِيهُهُ عَنِ ضِدِّهِ. Donc il nous dit le shir que, comme on l'a vu, de par notre raison, on devait attester et que notre raison indiquait de manière obligatoire qu'Allah Azzawajal il possédait donc les attributs qui sont complets, qui sont parfaits, et que l'on devait également éloigner Allah Azzawajal de tout ce qui fait partie des imperfections. Ça c'est notre propre raison qui nous dit cela, qui est plus que clair, une raison saine, elle atteste de manière obligatoire Allah Azzawajal les attributs parfaits, et elle éloigne de tout ce qui est de l'imperfection, car c'est Allah, car c'est le Créateur, car c'est le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il dit le shir wal-ulu, sifatu kamal. Et donc l'élévation, c'est un attribut qui est parfait. Par contre, souffle, donc le fait d'être en dessous, le fait d'être en dessous de ces créatures, si on dirait donc que Allah Azzawajal sera avec nous, alors souffle naqs, c'est-à-dire donc, c'est une imperfection. Alors à ce moment-là, il est obligatoire, de par notre raison, il est obligatoire d'attester Al-Ulu pour Allah Azzawajal et de l'éloigner de son contraire, et qui ici souffle. Ou alors le fait de dire qu'Allah il est avec nous sur la terre, c'est-à-dire de par lui-même. Bidhati, ta'ala Allah en dalik. Ça c'est l'aql. Ou Al-Fitra, il nous avait dit le shir également Al-Fitra. Ou Amma Al-Fitra, la saine nature, la nature prédisposée de tout homme qu'il possède. فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك حينذاك. Donc le shia nous dit, de par notre fitra également, cette fitra qu'Allah Azzawajal a placée en nous, et elle nous indique de manière irrémédiable, de manière obligatoire, qu'Allah Azzawajal est au-dessus de nous. Il a l'attribut de l'élévation, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne, elle invoque, lorsqu'une personne elle a peur et qu'elle s'en remet à Allah Azzawajal, à ce moment-là, lorsqu'elle invoque, lorsqu'elle a peur et qu'elle s'en remet à son Seigneur, qu'elle demande protection à son Seigneur, il nous dit, le chien, comment elle trouve son cœur, cette personne à ce moment-là? Comment il ressent à l'intérieur de son cœur? Est-ce qu'il ressent qu'il se tourne à droite ou à gauche, ou lorsqu'il qu'il ressent qu'il se dirige en haut, au ciel, bien entendu, le premier, ou plutôt le deuxième, qu'en vérité, il se dirige au ciel? Ça, c'est automatique. Ça, c'est le fitra, c'est de la saine nature. Lorsque la personne a peur, elle demande protection à Allah. En ce moment de peur, automatiquement, son cœur, il se dirige en haut. Il ne se dirige pas à droite ou à gauche. De même, il nous dit, le shir, si on demande aux prieurs, ceux qui prient, au moment où on dit Subhana Rabbil A'la, pureté à mon Seigneur, le Très-Haut, est-ce que nos cœurs, à ce moment-là, ils se dirigent dans une autre direction que celle de l'auteur en haut? C'est ce que l'on ressent, et tout le monde le sait. Ça fait partie de Al-Fitra. Ensuite, et c'est le dernier, Al-Ijma', et il nous dit le Shir, Rahimallah, فَقَدْ أَجْمَعَ السَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالْإِمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَوْقَ سَمَوَاتِ مُسْتَوِينَ عَلَىٰ عَرْشِهِ وَكَلَامُهُ مَشْهُورٌ فِي ذَلِكَ نَصًّا وَظَاهِرًا قَالَ الْأَوْزَاعِي كُنَّا وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ نُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصِّفَاتِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واشتالته الشياطين على فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. Donc le shir, il nous dit, par rapport à l'ijma, que les sahaba, les compagnons, que leurs disciples, at-tabi'un, que les imams, sont tous donc réunis pour dire, et ont fait acte de consensus pour dire qu'Allah Azzawajal, il est au-dessus des cieux, au-dessus de ses cieux, et qu'il est établi sur son trône. Et leur parole est plus que connue, mashhour. Que ce soit de manière explicite, nous a rappelé la parole de l'imam al-Awza'i, imam al-Sham. Il a dit, nous étions, wat-tabi'un, et bien entendu les disciples des compagnons, nous étions donc mutawafirun. Donc nous étions nombreux, naqul, et nous disions, inna Allah ta'ala dhikruhu, qu'Allah azza wa jal, fawqa 'arshi, au-dessus de son trône. Et nous croyons donc à ce qui est venu dans la sunna comme attribut, les attributs d'Allah Azzawajal. Et il nous a dit donc que ceux qui ont rapporté à l'ijma, le consensus à propos des gens de science, ils sont nombreux parmi les savants. Et il dit qu'il est strictement impossible que le contraire advienne, car, comme il dit le shir, toutes les preuves, elles sont venues à eux. Toutes les preuves sont venues à eux. Ils ont eu connaissance de toutes ces preuves-là. Il n'est pas possible qu'une personne à l'encontre de ces preuves, sauf une personne qui est orgueilleuse, dont Allah Azzawajal a caché son cœur, a noirci son cœur, ou alors que les shayatines, que les djabs sont emparés de lui et ont fait dévier sa fitra. Et nous dit le shayna sallallahu ta'ala salamata wa rafi, demande à Allah Azzawajal le salut. A la kulli hal, il nous dit également fa'ulu Allah, donc l'élévation d'Allah Azzawajal, de par son entité bidati wa sifati, et de par ses attributs, donc, ça fait partie de ce qui est des plus clairs parmi les choses, les plus apparentes comme preuve, la chose la plus véridique, ce qui est le plus attesté par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce que l'on voit à terrain. Ensuite, en revenant donc aux réfutations que le shir il nous a données à propos de ceux qui disent que Al-Ma'iyya implique donc le mélange d'Allah Azzawajal avec ses créatures, il nous avait dit donc Al-Thalith, le troisième point, c'était donc pour le deuxième point, c'est en rapportant toutes les preuves bit-tafasil. On a dit c'est important de connaître que le talib al-ilm, il apprend cela par cœur, qu'il sache, lorsqu'il apporte des preuves de l'ulou, il connaît les versets du Coran, il connaît les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait donc ces choses par cœur, et il sait comment argumenter. Al-Thalith, il nous dit annahu mustalzimun lilawazimi batilatin la taliqu billahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait de dire cette parole-là, ça va impliquer des choses qui sont complètement fausses, qui ne sont pas propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit wala yumkin liman arafa Allah ta'ala wa qaddara wa haqqa qadrihi wa arafa madlul al-ma'iyyati fi al-lughati al-arabiyya التي نزل بها القرآن وأن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني والقول الثاني وأن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه وهذا هو الظاهر آية بلا ريب لأنهما حق ولا يكون الظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. Le cheikh donc il nous dit dans ce troisième point que celui qui connaît Allah Azzawajal et qui lui a donné sa véritable valeur et qui connaît également ce qu'indique le terme Ma'a dans la langue arabe, cette langue avec laquelle le Coran il est descendu, c'est impossible qu'il dise donc que le véritable sens de cette Ma'iyya c'est qu'Allah Azzawajal il est mélangé et il se trouve dans la même place de ces créatures. Alors de même, ou alors encore à plus forte raison, de dire que cela implique Al-Ma'iyya, ça implique cela. Et il nous dit le cheikh, personne ne peut dire cette parole-là, sauf celui qui est complètement ignorant de la langue, ou alors qui est complètement ignorant de la langue, et également complètement ignorant de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, le fait de dire cette parole-là. Donc il nous dit automatiquement, ce qui est ici, la parole véridique, c'est la deuxième. Et cette parole qui est la suivante, qu'Allah Azzawajal, il est avec ses créatures. Mais lorsqu'on dit qu'il est avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala, cela implique qu'il est donc au-dessus d'eux, qu'il les cerne, donc de par sa science, de par sa puissance, de par son ouïe, de par son audition, de par sa vue, de par son agencement, de par son pouvoir, etc. Et d'autres encore, ce qui est impliqué donc par la seigneurie, Ar-Rububiyya d'Allah Azzawajal, tout en attestant bien entendu qu'il est au-dessus de ses cieux, Fouqa Jami'a Khalqi, qu'il est au-dessus donc de toutes ses créatures. Et nous dit cela est l'apparence des deux versets. Donc les versets qu'on a cités à la dernière fois, comme la parole d'Allah Azzawajal, Wa ma'akum aynama kuntum, wa qawlu subhana, wa la adna min dhalika, wa la akthara illa wa ma'ahum aynama kan. Ensuite, il nous dit le shir, donc ça c'est al-dhahir, c'est ce qui est apparent, car c'est une vérité ici qui est apparente. Ensuite, il va nous rappeler une parole du shir al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Qala shir al-Islam ibn Taymiyyah, fil fatawa al-hamawiyya, donc à la page 103. Il nous dit le shir, à la page 103 du cinquième volume de Majmu' al-Fatawa, qui comprend donc cette fatwa, fatwa al-hamawiyya. Il nous dit, donc ça c'est la parole de ابن تيمية رحمه الله ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد إن ذي الشيخ تختلف أحكامها بحسب الموارد donc ici المعية معية الله donc cet attribut la compagnie d'Allah عز وجل elle va différer suivant donc ses statuts أحكامها et comme on sait le statut on a déjà vu cela dans les premiers cours le statut concernant les attributs d'Allah Azzawajal, comme on sait que al-hukm ghayr al-ma'na, c'est-à-dire le hukm, le statut, c'est différent donc du sens. Et le hukm ici, c'est ce que va impliquer la tribu. C'est ce que va impliquer la tribu. Ici, à titre d'exemple, Al-Ma'iyah. Qu'est-ce que va impliquer Al-Ma'iyah? Et donc, cette implication de Al-Ma'iyah va être différente suivant les passages où il sera placé, où il va être exposé. Ou alors, où cet attribut va être exposé, le Mawarid, suivant donc les passages. Et bien, le shirk, il va ensuite détailler. C'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que par moment, on aura une Ma'iyah qui sera générale. Et par d'autres moments, on aura une Ma'iyah qui sera plus précise, plus spécifique. Donc, Al-Ma'iyatul Ramma ou Al-Ma'iyatul Khassa. Et également, Al-Ma'iyatul Khassa, son sens peut être légèrement différent suivant les versets du Coran, suivant donc les passages où il est placé. C'est dans ce sens qu'il nous dit. Et donc, cet attribut va impliquer des choses qui seront légèrement différentes. Donc c'est marna ici. ثم هذه المعية تختلف أحكامها. Et donc on avait déjà vu al-hukm. C'est-à-dire on avait déjà vu que lorsque le nom d'Allah Azzawajal et le nom ici d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'il est mutaaddi, lorsqu'il est donc transitif, lorsqu'il a donc un effet sur ses créatures. Et on sait que al-ma'iyah a un effet sur ses créatures. Comme à titre d'exemple, lorsqu'Allah Azzawajal yakun ma'ana allati taqtadi at-ta'yid, qui donc implique at-ta'yid, c'est-à-dire le soutien d'Allah Azzawajal. Donc on voit ici que c'est transitif, que ça ici une implication par rapport ou un effet par rapport à ses créatures. Et ça, on l'a eu aussi pour tous les noms qui sont donc dits transitifs. Ce qu'on appelle muta'addi, comme à titre d'exemple, as-sami'a. Lorsqu'on dit as-sami'a, on a vu que ce nom-là, ça impliquait qu'on attestait ce nom tel quel, as-sami'a, avec son sens, le sens qu'il a, donc as-sami'a, le fait qu'Allah Azzawajal détient, qu'il a l'ouïe, l'audition. Également, ça implique qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a un attribut que l'on tire de ce nom-là, qui ici est Sam, donc l'audition, et ça traduit également Al-Hukm. Al-Hukm, ou Al-Muqtada. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, Yasma. Donc, qu'est-ce que Ma'ala Yasma? C'est-à-dire qu'il entend ce qu'on font ses créatures. Donc, ça va impliquer qu'il sait toutes ces créatures qu'il entend. Lorsque deux personnes parlent entre eux, il sait Allah Azzawajal ce qu'ils disent. Lorsque deux créatures chuchotent entre eux des choses, il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que ça implique. Ça, c'est le Hukm. Al-Muqtada, hala wa al-Hukm. Taïb. Et ça, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, dans les premiers cours. Donc ici, Al-Ma'iyya, tartalif, ahkamwa. Qu'est-ce que ça veut dire, ahkamwa, al-Hukm ici? Ce que ça va donc impliquer. Donc par moment, ça sera une Ma'iyya qui sera amma, qui sera générale pour tout le monde. Au moment, ça va être une Ma'iyya qui va impliquer le soutien donc, et le secours à ces créatures. Taïb. Hada wa ma'na. Kalam, shir. Et que donc cela va être différent suivant là où est placé le sifa, donc al-ma'iyah, dans les passages du Coran. Donc il nous dit فَلَمَّا قَالَ يَعْلَمُ مَا يَلِدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ دَلَّ ظَاهِرُ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ وَمُقْتَضَاهَا أَنَّ مُطَّلِعٌ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَمُهَيْمِنٌ عَالِمٌ بِكُمْ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ السَّلَفِ إِنَّهُ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. Donc ici on voit que dans les versets qui nous a cités le shir, pour ce qui est donc du premier qui fait surat al-hadid, qui est le verset 4, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. Il nous dit donc que ce verset là, parce qu'Allah Azzawajal dit il est avec vous que vous soyez, et avant cela, dans le début du verset, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Il nous dit Dalla. Donc ça nous a indiqué, l'apparence de ce texte là nous a indiqué que le hukm, ala anna hukm hadhihi al-ma'iyya wa muqtadaha. Donc ici le hukm, ce que ça implique par rapport donc aux créatures, ce que ça implique par rapport aux créatures, le statut donc de cet attribut ici. À ce moment-là, lorsqu'il est placé dans ce passage du verset du Coran, il nous dit donc que cela implique un homme muttali'un alaykum. Donc, il témoigne de ce que l'on fait. Shahidun alaykum, qu'il observe ce que l'on fait. Wa muhaiminun alimun bikum, qu'il est dominant, qu'il domine ce que l'on fait, qu'il a science de ce que l'on fait. Et ça, donc, c'est ma'na qawl salaf, c'est l'explication donc qui a été donnée par cette parole des salafs, innahu ma'ahum bi'ilmi, il est donc avec nous de par notre science. Et lorsqu'on dit bien entendu de par notre science, faut qu'on rapporte cette parole des salafs, innahu ma'ahum bi'ilmi, ça ne veut pas dire uniquement par la science, c'est-à-dire qu'on l'a vu, c'est-à-dire également qu'il est muttali'un alayna, comme le dit le cheikh, shahidun wa muhaiminun, etc. Donc tout ce qui va rentrer dans cette rububiyya al-amma, générale. De même donc dans l'autre verset qui nous a cité le shir, toujours un passage qui prouve donc ce qu'implique cet attribut et son chokm ici. Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, sans qu'il ne soit donc leur quatrième. Et ensuite, « Wa ma'ahum ayna makan » où il est avec eux, où qu'il soit. Ensuite, lorsqu'il dit le shir, وَلَمَّا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ Donc on sait lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la hijra et qu'il s'est donc introduit pour se cacher des mouchriquines qui voulaient le capturer ou le tuer, lui et Abu Bakr, les sahibis, ici Abu Bakr bien entendu, qu'ils sont cachés dans la grotte, il lui a dit le prophète صلى الله عليه وسلم لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. On a rapporté le verset du Coran, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ici, bien entendu, ça va être différent. Le hukm, il est différent ici. Donc on voit tartarif ahkam, on nous a dit. Pourquoi le hukm, il est différent? Parce qu'ici, ce que ça implique, hadil ma'iyya, qui est un sifatun muta'addiya ici, donc sifatun muta'addiya, qui est un attribut transitif, qui a donc un effet sur ces créatures, qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset? La tahzad inna Allah ma'ana, il nous dit le shir, kana hada aydan haqqan ala zahiri, wa dallat al halu ala anna hukm hadil ma'iyya, huna ma'iyya. Donc on voit qu'elle prend ici une forme qui est différente ou un sens qui va être différent quant à son hukm, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il implique envers ses créatures, l'effet qu'il a sur ses créatures. Ici c'est ma'ayat al-ittila', donc al-ittila', le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous observe, donc ici c'est al-ma'na al-'am, général, mais en plus de cela wa-nasri wa-ta'yid, c'est-à-dire donc le soutien, le secours, et wa-hada ma'na al-khas, ma'na al-khas, donc le sens particulier de al-ma'iyya. Donc on voit ici qu'elle a eu un sens qui a été particulier, en plus de, du sens général à l'ittila'. Donc on voit bien ici que le choukm, il a été différent par rapport au premier, c'est-à-dire dans les premiers versets qui nous a cités le shir, et dans ces premiers versets, ça nous indiquait le sens général. Ça nous indiquait le sens général de al-ma'iyya, et qui concerne bien entendu, à titre de précision, pour ce qui est du sens général de Al-Ma'iyya, Al-Ma'na Al-Am, ça concerne tout le monde, que ce soit les koufars ou les croyants. Par contre, pour ce qui est de Al-Khassa, ça concerne ces pieuses créatures, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il est avec eux et qu'il les donc, qu'il les soutient et qu'il leur vient à leur secours. An-Nasr wa Ta'yid, ça c'est bien entendu spécial, spécifique donc aux croyants. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع لخاصية فعلى تقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. Donc il nous dit le shir ici que donc ce terme al-ma'iyya, donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit qu'il est avec ses créatures, lorsqu'elle est employée que ce soit dans le livre d'Allah ou que ce soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans différents passages, elle implique donc des choses qui sont propres à elle dans un passage et qui sont peut-être différentes dans un autre passage. Donc il nous dit le shir ici, soit donc elles sont différentes par rapport à ce qu'elles indiquent suivant le passage où elle est employée, donc où il est employé cet attribut al-ma'iyya, ou alors qu'elles ont un sens commun suivant aussi également le passage, et qu'ensuite bien entendu il va avoir un supplément au niveau du sens apporté. Donc il dit que ce soit ces deux options que l'on émette ces deux options, il nous dit le shir à la kulli hal, que ce soit donc ces deux options, ce que cela n'implique pas à la kulli hal, c'est qu'Allah Azza wa Jal, de par son entité, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mélangé à ses créatures jusqu'à ce que l'on puisse dire que l'on a fait dévier le sens de cet attribut de ce qu'il indique en apparence. Donc on voit ici que c'est bel et bien faux, qu'on n'a jamais, que les gens de la sunna n'ont jamais fait dévier de son sens apparent, bien au contraire. Donc on voit ici qu'on réfutation aux gens de l'altération, qui ont avancé cela sur le compte des gens de la sunna. Ensuite le shia il dit ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكر في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لأنه سبحانه مختلطة بهم ولأنه معهم في الأرض. طيب ici نعم ici par rapport donc à l'aspect argumentatif de ce verset, il nous dit le shir également, ce qui va nous prouver qu'Allah Azza wa Jalla, par son entité, il n'est pas mélangé à ses créatures, c'est qu'on voit dans ce verset qui est ayat fi surat al-mujadala, lorsqu'Allah azawajal, il nous dit donc, dans le sens, la traduction du sens, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Regardez, Allah azawajal, il a commencé par là, par nous rappeler sa science. Regardez bien. Alam tara anna Allah ya'lam. Ya'lam. Donc ici, l'ilm. Ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Le verset, il commence comme cela. Ensuite, il nous rappelle donc ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Donc, pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux. Donc ensuite, illa huwa ma'hum ayna ma kan. Ensuite, comment il se termine le verset? Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah, inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Donc ensuite, on voit que le verset se termine comme ceci. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Qu'Allah azza wa jal, il est omniscient, il sait toutes choses. Alim. Et également avant, fuma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah. Et donc, il leur rappellera et il leur informera au jour de la résurrection de ce qu'il faisait. Car il sait, de par sa science, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il faisait. Donc cela prouve bien que lorsqu'Allah Azza wa Jalla il a dit illa huwa ma'ahum ayna ma kanu, donc il est avec eux où qu'ils se trouvent, ça prouve bien donc c'est de par sa science et c'est de par donc tous les attributs, les significations comme on a cité al-ittila', etc., qui rentrent dans al-rububiyya, la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Ça nous prouve bien cela, car Allah il a commencé en citant son attribut de la science, il a terminé de même, et au milieu il a donc cité l'attribut de Al-Ma'iyya, illa huwa ma'ahum ayna ma kan, donc de par le sens. Et ici, al-zahir, le sens apparent, c'est plus que clair. Donc les gens de la Sunna, lorsqu'ils ont bel et bien dit qu'Allah Azza wa Jal, il est avec eux, de par sa science, et tout ce qui rentre donc dans la signification de la Seigneurie, qu'il observe, etc., ils n'ont pas fait dévier le verset de son sens apparent. Bien au contraire. Bien au contraire. Et également, regardez, il nous dit le shir, أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استواه على عرشه وعموم علمه مكلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج منه وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. Donc regardez également ce verset du Coran qui est celui-là في سورة الحديث, et qui est le verset suivant, le sens. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi sur son trône. Donc on voit comment il commence le verset. On voit qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle bien, après sa création, qu'il s'est établi sur son trône. Tayyib, istawa ala arshi. Donc on voit que le verset commence comme cela. Et ensuite, il nous rappelle également Allah Azza wa Jalla al-Ulu. Comment cela il nous rappelle al-Ulu, subhanahu wa ta'ala? comme on l'a vu auparavant. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Ici, نعم, ça prouve ici sa science, enfin, نعم. Ici, ça prouve donc la science d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que ensuite, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, وَعُمُومِ عِلْمِهِ وَعُمُومِ عِلْمِهِ, c'est-à-dire sa science globale, générale. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Donc, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et ensuite, il dit, et il est avec vous où que vous soyez. Donc, on voit qu'Allah Azzawajal fit siyar ici, comment le verset est exposé. On voit qu'après nous avoir cité qu'il est au-dessus des cieux, qu'il sait tout de par sa science, subhanahu wa ta'ala, il nous cite qu'il est avec nous, où que nous soyons. Donc, on voit bien ici, de manière apparente, que le verset, il indique bien qu'Allah Azzawajal, il est avec nous de par sa science. Et qu'il nous observe, et qu'il sait ce que l'on fait, subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'amalouna basir. Et regardez ensuite, Wallahu bima ta'amalouna basir. Et Allah Azzawajal, donc Allah, il observe parfaitement ce que vous faites. Donc regardez le verset, comme il est plus que clair également ici, par rapport à son sens apparent. Et si on aurait dit, comme le dit le shir, فَيَكُنْ ظَهِرُ الْآيَةُ أَنَّ مُقْتَدَ هَذِي الْمَعِيَةِ علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليهم واستواه على عرشه لأنه سبحانه مختلط بهم ولأنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستواه على عرشه. Que nous dit le chien, ça c'est bien et bien l'apparence, comme on a expliqué l'apparence du verset. Et que si on leur a dit qu'Allah Azza wa Jalla était avec ses créatures, c'est-à-dire avec eux de manière ou de façon qu'il est de par son entité avec eux et qu'il est mélangé à eux, donc cette compréhension du milieu de verset, il aurait été totalement en désaccord et en contradiction avec la première partie du verset, ou le début du verset et la fin du verset. Et il nous dit فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِهِ تَعَالَى مَا عِبَادِي أَنَّهُ يَعْلَمُ أَحْوَالَهُ ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضي ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوق Donc il nous dit le shir dans cette parole, lorsque cela nous a été éclairci, et donc que l'on sait que Allah Azza wa Jalla, que cela implique qu'Allah Azza wa Jalla est avec ses créatures, qu'il connaît donc la situation de ses créatures, qu'il entend leurs paroles, qu'il voit leurs actes, qu'il agence leurs affaires, qu'il fait vivre, qu'il fait mourir, qu'il donne la richesse, qu'il démunit, qu'il donne la royauté, qu'il donne le pouvoir à qui il veut et qu'il arrache ce pouvoir de qui il veut, qu'il donne l'honneur, qu'il fasse honneur à qui il veut et qu'il humilie qui il veut, alors, il nous dit le shir, on sait que cela va impliquer, et d'autres donc, ce que implique Ar-Rububiyya, le Seigneur est d'Allah Azzawajal, et son parfait pouvoir, et que rien donc ne vient s'interposer entre lui et ses créatures, alors celui dont Al-Qadr, Al-Shan, c'est-à-dire donc celui dont le rang est tel quel, alors il est bel et bien avec ses créatures, haqiqatan, il est bel et bien donc avec ses créatures de manière réelle. Et il est au-dessus d'eux, à la arshi, sur son trône, réellement également. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك